Donnez des explications. Exercice 4. Je me suis bien renseignée sur Argenton-sur-Creuse. C'est une petite ville très jolie, elle a beaucoup de charme et la région est très agréable. Par conséquent, il y a des touristes toute l'année. De plus, la réservation en gîte rural est obligatoire. C'est précisé sur le site internet. Ensuite, le week-end du 6 au 8 avril, il y aura un grand festival de musique traditionnelle au village. Ça va sûrement attirer beaucoup de monde. Enfin, il n'y a qu'un seul train qui part pour Argenton-sur-Creuse, le vendredi en fin d'après-midi. Si on veut être sûr d'avoir de la place, il faut réserver absolument.